Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous commençons l'émission avec un petit retour sur la Saint-Valentin. En cette semaine de la Saint-Valentin, l'amour et les cœurs sont partout. À part Cupidon, il existe bel et bien un message de l'amour. Celui-ci, par contre, est invisible et n'a certainement pas l'allure d'un chérubin. Alors, nous allons aujourd'hui aborder l'art subliminal des fameuses phéromones avec Christiane. Bonjour, Christiane. Bonjour, François. Alors, Christiane, tout d'abord, quelle est la différence entre une hormone et une phéromone? Oui, c'est important de faire la distinction parce que ça sonne un peu pareil. Hein? Bon. Tout à fait. Alors, les hormones, on connaît tous c'est quoi une hormone. Ce sont des substances chimiques produites par des glandes endocrines, donc qui sont sécrétées pour l'intérieur de notre corps. D'accord. On peut dire ça comme ça. Et ça agit sur le métabolisme. Donc, on ne peut pas vivre sans hormones. L'insuline est un bon exemple, hein, qui aide à distribuer le sucre à travers les cellules. Uh-huh. Et l'adrénaline aussi, ça, c'est une hormone. Donc, on sécrète ça pour nous-mêmes. OK. Et ça sert à réguler, finalement, réguler nos activités métaboliques. Oui, exactement. Et il y en a tout un paquet d'autres. Les phéromones, par contre, sont des substances chimiques comparables aux hormones, un peu de type, mais sont produites par des glandes exocrines, donc vers l'extérieur, ou par l'urine, et va servir de messager entre les individus. Donc, on sécrète pas des phéromones pour nous-mêmes. On sécrète ça comme un message subliminal, entre guillemets, pour envoyer un message aux autres. Aux autres individus ou aux autres espèces, même à la limite. Oui, aux autres espèces, mais c'est beaucoup intra-espèces, je dirais. Oui, c'est un fait. Les mammifères, les reptiles, les insectes, les végétaux en produisent. Donc, c'est vraiment des petites substances chimiques en très, très, très infime quantité qui est partout dans le monde vivant. Et même chez les végétaux, c'est étonnant. Même chez ça. Les végétaux, c'est très intéressant. C'est sûr, on parle peut-être pas de la même nature chimique, c'est là. C'est d'autres. Mais on en a différents, probablement. Oui, je vais y revenir un peu plus tard, on a quelques exemples. Et puis, les phéromones sont très actives, très concentrées, et une quantité infinitésimale seulement est nécessaire pour avoir des très grandes répercussions. Et affecter le comportement, il peut être détecté à plusieurs kilomètres par des odorats très, très fins. Donc, c'est fascinant. Et comment, en fait, est-ce qu'on les détecte, les phéromones? Bien, les phéromones, elles sont captées soit par l'odorat, donc par le nez. C'est des petites substances volatiles ou elles vont être captées par un contact. Ça, c'est moins le cas, par exemple, moins chez les animaux mammifères et tout ça, mais plus chez les insectes où le bout de leurs antennes ou de leurs pattes ont des genre de récepteurs gustatifs un peu, pas comme dans leur bouche, mais ils vont pouvoir goûter les phéromones avec le bout de leurs antennes et de leurs pattes. Donc, c'est et les végétaux aussi, probablement, mais tu vas nous expliquer peut-être pourquoi tout à l'heure, par contact, ça fonctionne. Oui, c'est ça. Okay. D'ailleurs, chez les insectes sociaux, les phéromones sont essentielles au bon fonctionnement d'un groupe lors de périodes d'accouplement. Parce qu'on pense, par exemple, chez les fourmis, je vais vraiment parler avec quelques exemples un peu plus tard, c'est une grande colonie avec des centaines de milliers d'individus. Il faut qu'il y ait un moyen de communiquer efficacement. Pour coordonner tout ça. Puis ils ne se parlent pas. En langage. Ça ne doit pas être très raffiné là, comme type de communication. Donc, il faut que le message passe. OK. Chez les animaux, le moyen de détecter les phéromones, c'est chez l'organe voméronasal. Et qu'est-ce que c'est, ça? L'organe voméronasal, c'est un organe olfactif qui est logé dans la cavité nasale. Nous en avons un. Mm-hmm. On croyait qu'il n'était pas actif chez l'homme, mais plusieurs études nous prouvent maintenant le contraire. Donc, nous ne sommes pas différents des autres animaux, finalement. Donc, les phéromones vont être détectées par cet organe-là. Et contrairement aux odeurs, je sens une tasse de café ou une tarte aux pommes, ça ne sera pas traité de la même manière. Donc, les phéromones rentrent par le nez, mais ne sont pas traités telle une vulgaire odeur normale. Les phéromones vont être détectées, vont envoyer un signal à l'amygdale et ultimement à l'hypothalamus. Okay. L'amygdale étant une petite glande dans le cerveau. Non, pas la gorge. Et l'hypothalamus, lui, régit, est très important dans le cerveau, il régit toute la physiologie reproductrice et, entre autres, la température corporelle également. Donc, ça a finalement un effet sur notre comportement, par exemple. OK. Et tout à l'heure, tu disais qu'il existe différents types aussi. Alors, on parle de quoi, par exemple? Eh bien, il y a le type... Bon, il y a deux grands types. Grandes familles. La famille A, les phéromones incitatrices. Donc, elles vont vraiment inciter. C'est plus comportemental comme effet. Et il y a le type B, qui est modificatrice. Ça va plus changer la biologie de ton voisin ou de quelqu'un d'autre qui capte ça. Donc, des phéromones, il y en a tout un... Ça a été classé en différentes catégories. Et on ne connaît pas encore toutes les phéromones. Il y en a des types inclassables également. Par exemple, des phéromones de territoire. Là, c'est beaucoup dans l'urine. Mm-hmm. C'est comme des bornes, hein? Un chien, un loup, uh-huh. hein? ils vont marquer leur territoire. Ils vont marquer leur territoire, et puis quand les autres individus vont renifler, ils vont détecter, ah, tel individu, il y a de tel sexe, est-ce qu'il est en chaleur, est-ce que, bon, ils peuvent détecter, il n'y a pas assez là, c'est son territoire. Mais pour borner un territoire, à ce moment-là, c'est une phéromone qui agit dans la même espèce? Oui, c'est dans la même espèce, probablement. Donc, est-ce que ça voudrait dire que la molécule chimique serait différente d'un individu à l'autre? Oui, je vais y venir un peu plus tard. C'est selon le patrimoine génétique. Donc, ça varie. OK, c'est beau. Oui, c'est intéressant pour ça. Il y a des phéromones traces, comme je parlais des fourmis il n'y a pas très longtemps. Chez les insectes sociaux, c'est comme une balise de piste pour les fourmis. Hein? La fourmi qui passe là, il y a un chemin. Bon, le chemin est ici, là. Le petit pousset. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des petites traces de phéromones pour dire, je passais là, viens par ici, ou peut-être, vas-y pas, je suis déjà là. Ça laisse une trace, c'est ça. Voilà. Il y a des phéromones d'alarme. Ça, souvent, c'est... on ne sécrète pas ça en tout temps, mais en cas d'attaque, en cas de blessure. Ah oui, okay. Par exemple, s'il y a une attaque, les pucerons peuvent tous s'enfuir. Ah bon, à un moment okay. donné, hein, les pucerons, on n'a pas l'impression que ça peut faire grand-chose. Ouais, ça... mais ça répond à certains signaux. Okay. Ou par exemple, les abeilles, ils peuvent... ils reçoivent un certain signal. Il y a des abeilles qui ont été attaquées. Puis là, s'il va y avoir un ça va déclencher une agression de la part des abeilles pour aller chercher la source de l'attaque, l'agresseur. Donc, certains végétaux, on arrive aux végétaux, lorsqu'ils sont broutés ou blessés, vont émettre des phéromones d'alarme pour rendre les autres végétaux moins appétissants, peut-être plus amers, plus déshydratés, donc pour rendre pour au moins sauver... En fait, sauver ceux qui n'ont pas encore été broutés. OK, OK. C'est fascinant, hein, quand c'est même. Incroyable, c'est vraiment... Pour ça, je dis le monde subliminal, c'est vraiment ça, parce qu'on ne s'en rend pas beaucoup compte. Et c'est assez aussi de base, ces modes de communication-là. Oui, c'est pas subtil. Là, mais c'est ça. Et puis, c'est pas acquis, c'est inné. Hein, c'est on se pose pas de questions. Uh-huh. Les phéromones sexuelles, bien sûr, qui vont souvent indiquer la disponibilité des femelles. Elles sont en chaleur, c'est beaucoup tous ces signaux-là. Uh-huh. Parfois détectés à plus de 10 kilomètres. C'est très intéressant. Par exemple, les ours polaires, dans la banquise, sont solitaires. La femelle, elle peut être très loin. Faut avoir un bon nez, puis il faut détecter quelque chose. Donc, les mâles peuvent détecter les femelles à des dizaines de... environ 10 kilomètres. Ah, c'est incroyable. C'est fascinant. Donc, ça prend un bon odorat aussi. Un très bon odorat et pas beaucoup d'interférences. C'est sur ça, la banquise, ça va, parce qu'il n'y a pas d'autre chose vraiment entre les individus. Il y a les hormones, mot un peu rare, ou d'espacement, ça c'est pour indiquer seulement des femelles qui pondent, d'aller dire aux autres femelles d'aller pondre ailleurs. Donc c'est juste pour pas qu'il y ait trop de compaction. Il y a des phéromones d'agrégation, ça c'est juste pour dire à tout le monde, que ce soit mâle ou femelle, venez-vous-en par ici, là on va se rassembler ensemble. Ça c'est juste des exemples, mais les phéromones ont de multiples rôles. OK. Mais en fait, chez nous, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'on en émet, nous, des phéromones? Oui, oui, contrairement à ce qu'on pouvait penser avant, on émet des phéromones et ça nous affecte plus qu'on le pense, parce que... on s'en rend même pas compte. On s'en rend pas compte, c'est pas volontaire. Hein? donc, chez l'homme et la femme, bien sûr, l'homme et la femme ensemble, c'est beaucoup dans la sueur axillaire ou périnéale, c'est-à-dire entre les jambes. Et puis, chez l'homme, c'est le sperme, et chez les femmes, c'est les sécrétions vaginales. C'est là où il y a vraiment une grande quantité de phéromones. Axillaire, c'est les aisselles, oui. OK, d'accord. Oui. Okay. Donc, c'est un phénomène, d'ailleurs, bien connu, ça fait très longtemps que... Avant, les gens se posaient des questions. Les femmes qui vivent en communauté connaissent une synchronisation des cycles menstruels. Peut-être que certains auditeurs ont déjà connu ça. Tu es en groupe quelque part avec beaucoup de femmes et puis, les cycles, les femmes finissent tous par avoir leurs règles en même temps. C'est les phéromones. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Il y a une psychologue, Martha McClintock de l'Université de Chicago, qui a fait beaucoup d'études sur les phéromones et leur effet sur les femmes. Et démontrait que les concentrations infinitésimales d'androstadiédone, qui est une phéromone masculine, qui est présente dans la sueur, l'urine, le sang, le sperme des hommes, modifiait l'humeur des femmes. Ah bon? Alors, élevait leur niveau d'attention, accroissait leur rythme cardiaque, leur température corporelle et leur transpiration. Donc, c'est vraiment des effets là-dessus. Il y a sûrement un effet inverse, là, les études sur l'effet des femmes, et les hommes ont sûrement des effets aussi par rapport aux phéromones féminines. Féminin, c'est ça. Les femmes sont sensibles à la phéromone seulement s'il y a un homme réel dans la pièce, par contre. Ça, c'est intéressant. Ah. C'est inutile d'être réceptif à la phéromone s'il n'y a pas d'homme à côté de toi. Si c'est une... Même si on te fait respirer l'hormone, mais il n'y a pas d'homme, les femmes seront insensibles. Donc, il faut qu'il y ait phéromone, c'est-à-dire les personnes. Oui, donc une phéromone synthétisée parce que ça se synthétise, des phéromones, c'est un fait. On connaît les molécules. Mais il faut vraiment qu'il y ait un homme pour qu'il y ait un effet. Ah, ça, c'est, oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'il y a une interaction psychologique. Oui, oui, oui, c'est ça. On peut pas isoler. C'est dur d'isoler cet effet-là parce que c'est... Puis un homme présenté sur une diapositive, ça marche-tu? Je ne sais pas, malheureusement. Je n'étais pas avec eux dans les yeux. Aussi, donc, continuons là-dedans. L'observation du cerveau de ces femmes-là par résonance magnétique a révélé que la zone cérébrale dédiée à l'attention que l'on porte à un sujet qui nous intéresse s'activait quand on était face aux phéromones masculines, tandis que ces femmes respiraient les odeurs courantes, normales, une odeur pas phéromonale, c'est ça. Seul l'air cérébral responsable de l'olfaction s'animait. Donc, si c'est une odeur normale, il y a juste l'olfaction, mais si c'est une phéromone, il y a d'autres zones du cerveau qui sont activées. C'est ça, sont traitées vraiment très différemment des autres odeurs. Et puis, autre petit fait intéressant, les femmes jugeaient les visages d'hommes plus séduisants lorsqu'on les embaumait d'une substance phéromonale. Oui, voilà, je résume bien. En fait, un homme va devenir plus séduisant si les femmes ont senti des phéromones masculines avant de regarder l'homme. OK, donc les parfums masculins peut-être qui comportaient des phéromones, ça pourrait effectivement avoir une certaine... Je sais que sur Internet, là, en faisant des recherches, là, il existe plein de parfums aux phéromones qu'on peut commander par Internet. Je ne peux vraiment pas vous dire si ça fonctionne, mais ça existe. Donc, les phéromones permettent de mieux, en fait, identifier ses partenaires potentiels, quoi? Oui, exactement. Lorsqu'on faisait sentir à des femmes des T-shirts ayant été portés par des hommes de diverses origines ethniques, celles-ci considéraient comme plus attirante l'odeur de ceux qui possédaient un patrimoine génétique différent du leur. Ah, tiens. Ça, c'est intéressant. Donc, notre instinct olfactif nous pousserait donc à choisir un partenaire avec lequel il serait préférable de concevoir un enfant. Okay. Le but ultime de tout ça, c'est un partenaire avec un patrimoine génétique qui est... Qui serait compatible? Compatible, ou... pas trop différent, mais pas trop semblable non plus. OK. Et on apprécie peu l'odeur d'un individu qui posséderait un génome très semblable au nôtre, un peu comme, si c'est ton frère ou ta sœur, là, ça marche pas. C'est ça. Hein? Ou extrêmement éloigné du nôtre, peut-être aussi trop différent, ça finirait par être plus difficile. Donc, en fait, c'était vraiment un mécanisme pour détecter les similarités, qu'ils soient trop petites ou trop grandes. Juste trouver le juste milieu, c'est l'idéal pour faire des enfants. Mais en fait, quelle est l'ampleur réelle des phéromones sur le choix? Sur le choix, bien, bon, ce que libère un homme lorsqu'il, par exemple, entre dans une pièce, là, j'ai juste la version de l'effet sur la femme, bien sûr, ça va venir titiller certaines zones dans le cerveau de la femme qui s'y trouve, va mettre en alerte tous ses sens, puis elle peut mettre son attention vers ce partenaire potentiellement intéressant, mais ça s'arrête là. Parce que il y a tout un plein de facteurs culturels, personnels, de goût. C'est plus compliqué que juste une question de phéromones. La couleur des yeux, la physionomie, la taille, le son de la voix, les atomes crochus. Donc, somme toute, les phéromones ne provoqueraient que l'élan initial. Donc, c'est pas de l'amour, mais ça pourrait dire, bon, il y a peut-être une compatibilité, ça fonctionne, mais ça garantit rien. C'est à voir si tout le reste concorde aussi. Donc, il n'y a pas de recette magique pour l'amour. Je pense pas que ça se perger de... Phéromones mâles donneraient plus de chance à personne. Ça marchait peut-être il y a 50 000 ans, tu sais, quand l'homme était peut-être un peu plus animal. Oui, peut-être probablement. Peut-être qu'à ce moment-là, ça prenait plus le dessus que... Et oui, puis aussi maintenant dans notre... Les atomes crochus. Oui, peut-être. C'est aussi maintenant, avec on se lave, on se parfume, on sent beaucoup moins qu'on sentait, j'imagine, il y a quelques siècles. Donc, ça doit faire une différence. Ça doit faire une petite différence, ça doit brouiller un peu certains signaux, je crois. Mais écoute, Christiane, merci infiniment pour cette intéressante chronique. Oui, alors, c'est croustillant. C'est très croustillant, effectivement, puis c'est très approprié, effectivement, pour la semaine de Saint-Valentin. Alors, on va faire une courte pause musicale et après, on vous revient avec Nicolas.